accordé capable de se remettre en cause, mettre à gueuler, capable de se remettre en cause, de changer. Un homme, une femme, transformée, transformée. la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Thank you.

accompagner la transition. africain. between time and space. Mélange des genres. No wait, no hope, no fear. No wait, no hope, no fear. Do it fracture. Grandfather, grandmother, in a hat, in a guitar. Stand up for our rights. Just a wanna be. Just a wanna be. Thank you. Babylon. Just a wannabe. Moi, en tant comme je rêvais tellement de chanter cette chanson. Ne voulant pas être une femme, j'ai remplacer Woman par Human. Inclusif, version. Sans le vouloir, toujours été féministe avant l'heure. Give me a reason. Ah, thank you very much. Allez, une petite pause pour moi. Allez, parti. Ah non.